Chapitre 3. La tempête qui menaçait se dissipa durant la nuit. Lorsque l'aurore se leva sur Aldborough, le soleil régnait dans le ciel bleu et les flots se jouaient gaiement sous la brise d'été. À une heure où aucun autre baigneur n'était encore debout, l'infatigable Raig se montra sur la porte de North Shingles Villa et dirigea au nord sa promenade matinale, emportant sous son bras un bel exemplaire des dialogues scientifiques. Parvenu au terrain vague situé au-delà des maisons, il descendit sur la grève et ouvrit son livre. L'entretien de la veille au soir lui avait donné une perception plus vive des difficultés qu'allait présenter la nouvelle entreprise. Il était maintenant doublement décidé à tenter l'épreuve caractéristique dont il avait touché quelques mots dans sa lettre à Magdalene. Il voulait appeler sur lui, en s'attribuant le rôle d'un homme remarquablement instruit, toute l'attention, tout l'intérêt de la formidable Mrs. LeCount. Quand il eut pris à jeun sa première dose de science, nous nous servons ici de ses propres expressions, le capitaine Raig, dûment gonflé d'érudition pour le reste du jour, rejoignit au déjeuner sa petite famille. Il nota sur le visage de Magdalene les traces irréfragables d'une complète insomnie. Elle ne se plaignait point. Son attitude était calme et son humeur parfaitement disciplinée. Mrs. Raig, ranimée par 13 heures consécutives d'un repas non interrompu, était dans les meilleures dispositions du monde et, dût-on s'en étonner, avait chaussé ses souliers comme tout le monde. Elle apportait dans la salle à manger plusieurs grandes feuilles de papier toile, mystérieusement découpées en fragments de toutes formes. Elles provoquèrent immédiatement cette question de la part de son mari. « Qu'avez-vous là ?»« Des patrons, capitaine, » dit Mrs. Raig d'une voix timide et conciliante. « En courant les magasins de Londres, j'ai acheté une robe de cachemire oriental. Comme elle a coûté fort cher, je voudrais économiser en la faisant moi-même. Je me suis procuré des patrons et des instructions écrites en caractères aussi nets que de l'imprimé. Je ne dérangerai rien, capitaine. Je me tiendrai dans mon coin, si vous voulez bien m'en accorder un. Et, soit que ma tête bourdonne ou ne bourdonne pas, je n'en resterai pas moins assidu à mon travail. » « Vous vous mettrez à votre travail, » dit le capitaine sévèrement, « lorsque vous saurez qui vous êtes, qui je suis et qui est cette jeune personne. Mais non, certes, auparavant. Montrez-moi vos souliers. » « Fort bien. » « Votre bonnet, maintenant. » « Fort bien. » « Faites-nous déjeuner. » Quand le déjeuner fut achevé, Mrs. Raig reçut ordre de se retirer dans une pièce voisine et d'y rester jusqu'à ce que son mari vînt lever sa consigne. Dès que ce tiers important ne fut plus là, le capitaine Raig reprit aussitôt la conversation qui, la veille au soir, conformément au désir de Magdalene, était restée inachevée. Les questions qu'il lui posait maintenant se rapportaient toutes à la visite travestie qu'elle avait faite chez Noël Vanstone. C'étaient les questions d'un homme intelligent et avisé, brève, pertinente, allant droit au but. En moins d'une demi-heure, il s'était mis au courant de tous les incidents survenus dans Vauxhall Walk. Les conclusions qu'il tira de cette instruction bien dirigée étaient parfaitement claires et intelligibles. Prenant la question sous son jour le moins favorable, il exprima la conviction que Mrs. LeCount avait certainement découvert le déguisement de la visiteuse inconnue, et qu'en réalité, bien qu'elle eût ouvert et refermé la porte, jamais elle n'avait quitté la chambre. Que par conséquent, dans l'une ou l'autre occasion où Magdalene s'était trahie en reprenant sa voix naturelle, Mrs. LeCount avait dû l'entendre. En revanche, et envisageant la question du bon côté, il était parfaitement persuadé que les divers éléments du travestissement de Magdalene avaient assez bien dissimulé son identité pour qu'elle pût, se présentant en personne, défier le plus strict examen de la femme de charge, en tant que son extérieur seul serait en jeu. Tromper l'oreille de Mrs. LeCount aussi bien qu'on aurait trompé ses yeux ne lui semblait pas, il en convenait volontiers, une tâche des plus commodes. Mais en tenant compte de ce fait que Magdalene, dans les deux occasions où elle s'était trahie, avait parlé avec l'accent de la colère, il était d'avis qu'elle pouvait espérer ne pas être reconnue à la voix, pourvu qu'elle évite avec soin, à l'avenir, tout éclat d'emportement. et se condamna à n'employer jamais que les intonations les plus calmes et les plus modérées de sa voix, intonations qui n'étaient pas encore familières à Mrs. LeCount. Somme toute, le capitaine inclinait à l'espérance, si pourtant, dès le début, on pouvait écarter un sérieux obstacle, et cet obstacle, c'était la présence de Mrs. Reig sur la scène où l'action allait s'engager. À la grande surprise de Magdalene, lorsque la suite de son récit amena l'histoire du fantôme, le capitaine Reig parut l'écouter en homme plus inquiet que diverti. Et quand elle eut achevé, il ne lui dissimula pas que sa désastreuse rencontre avec Mrs. Reig sur l'escalier de la maison garnie était, selon lui, le plus sérieux de tous les accidents qui fussent arrivés à Vauxhall Walk. « Je puis, disait-il, comme je l'ai déjà fait bien souvent, tourner les obstacles résultant de ce que ma femme est à peu près idiote. Je puis, à coups de marteau, faire entrer dans sa tête la notion de son individualité nouvelle. Mais je ne saurais, à coups de marteau, extraire de sa tête le souvenir du fantôme. Rien ne nous garantit que la femme au manteau gris et au chapeau d'une autre époque ne lui revienne à la mémoire dans le moment le plus critique et dans les circonstances les plus embarrassantes. En bon anglais, cher enfant, Mrs. Reig est une trappe qui désormais, à chaque pas que nous ferons, pourra s'ouvrir sous nos pieds. Une fois prévenu que la trappe existe, dit Magdalene, nous pouvons prendre nos mesures pour l'éviter. Quelle est, à cet égard, votre idée ? Mon idée, répondit le capitaine, serait d'éloigner provisoirement Mrs. Reig. À ne prendre les choses que sous le rapport pécuniaire, je ne puis songer à me séparer d'elle complètement. Vous avez sans doute entendu parler de ces gens très pauvres, tout à coup enrichis par quelques legs imprévus. Telle était la situation de Mrs. Reig quand je l'épousais. Une parente âgée partagea dans cette occasion les faveurs que la fortune accordait à mon épouse. Et pour peu que je garde les dehors de la bonne entente domestique, je crois pouvoir espérer qu'à la mort de cette parente, Mrs. Reig, pour la seconde fois, me sera de quelque profit. Sans cela, il est probable que j'aurai depuis longtemps transmis à la société en général le soin de veiller sur ma femme, en vertu de cette agréable conviction qu'à défaut de moi, il se trouverait toujours quelqu'un pour la faire vivre. Bien que cette manière de procéder me soit interdite, je ne vois pas d'objection à l'établir pour quelque temps hors de notre chemin, par exemple en quelque ferme isolée où elle serait logée, nourrie confortablement, sous prétexte d'infirmité mentale. Pour vous, la dépense serait une bagatelle, pour moi, le soulagement serait immense. Qu'en dites-vous ? Dois-je l'emballer immédiatement et l'expédier par le premier départ de la diligence ? Non, répondit Magdalene avec fermeté. L'existence de cette pauvre créature est déjà bien assez pénible. Je ne veux pas en augmenter la rigueur. Elle s'est montrée envers moi pendant ma maladie, véritablement affectionnée et pleine de soins. Je ne souffrirai pas, si je puis l'empêcher, qu'on l'enferme chez des inconnus. Le risque de la garder ici n'est qu'un danger de plus parmi tant d'autres. J'y ferai face, capitaine Reig, même si vous reculez. Pensez-y à deux fois, dit gravement le capitaine, avant de vous décider à garder Mrs. Reig. Ce qui est dit, répondit Magdalene. Je ne veux pas qu'on la renvoie. À merveille, reprit le capitaine avec résignation. Je n'interviens jamais dans les questions de pur sentiment. Pour mon propre compte, cependant, j'ai encore un mot à dire. Si vous pensez que je puisse vous être bon à quelque chose, il ne faut pas, dès le début, me lier les mains. Regardez ceci comme très sérieux. Je craindrai essentiellement de mettre ma femme en rapport avec Mrs. LeCount. Je suis moins brave que vous, moi, et si je consens à ce que Mrs. Reig reste ici, je pose pour condition qu'elle ne sortira pas de sa chambre. Si vous croyez que sa santé l'exige, vous pourrez l'emmener avec vous à la promenade, le matin, de bonne heure, ou le soir, après la nuit tombée. Vous ne la laisserez jamais sortir avec la domestique, bien moins encore sortir toute seule. Je vous dis la chose comme elle est. Il n'y a pas à plaisanter avec une nécessité aussi essentielle. Qu'en dites-vous, à votre tour ? Est-ce oui ou non ? Oui, répondit Magdalene, après avoir réfléchi un moment. Il reste, bien entendu, que je l'emmènerai promener ainsi que vous le proposez vous-même. » Le capitaine Rake s'inclina et ses façons redevinrent aussi suaves qu'à l'ordinaire. « Quels sont nos plans de campagne ? » demanda-t-il. « Les opérations commencent-elles dès aujourd'hui ? Êtes-vous en état de vous laisser présenter à Monsieur LeCount et à son maître ?»« Tout à fait en état. » »« Fort bien, alors. Nous les rencontrerons sur le champ de parade, à l'heure où ils sortent habituellement, à 2 heures de relevé. Il n'est pas encore midi. J'ai donc devant moi le temps voulu pour faire peau neuve à ma femme. Ceci est indispensable, car autrement elle nous compromettrait vis-à-vis de la domestique. Ne vous inquiétez pas des résultats. Dans le cours de sa carrière matrimoniale, Miss Riggs avait enfoncé dans la tête à coups de marteau pas mal de pseudonymes. La question se réduit simplement à ceci. Frappez assez fort. Je crois que maintenant tout est réglé. D'ici à 2 heures, est-il quelque service que je puisse vous rendre ? Avez-vous quelque occupation pour la matinée ? Non, dit Magdalene. Je retournerai chez moi pour tâcher d'y prendre un peu de repos. Je crains bien que votre nuit n'ait été agitée, dit le capitaine, qui l'ouvrait poliment la porte. Je me suis assoupi une ou deux fois, répondit-elle négligemment. J'ai probablement les nerfs un peu excités. Les hardis yeux noirs de cet homme qui m'a si étrangement regardé hier soir semblaient me poursuivre dans mes rêves. Si nous le voyons aujourd'hui et s'il se permet de m'inquiéter encore, je vous donnerai l'enduit de le rappeler à l'ordre. Nous nous retrouvons ici sur les 2 heures. Ne traitez pas trop durement Mrs. Rigg. Mettez toute la douceur dont vous êtes susceptible à lui enseigner ce qu'il faut qu'elle apprenne. Ce fut avec cette recommandation qu'elle le quitta pour remonter chez elle. Là, voulant dormir à toute force, elle s'étendit sur sa couche encore défaite. Mais ce fut en vain. La fatigue d'elle-même qui s'était emparée de la malheureuse enfant n'était pas de celle que le sommeil peut dissiper. Elle se releva donc et vint s'asseoir près de la croisée, jetant sur la mer un regard indifférent et morne. Une nature moins forte que la sienne n'aurait pas ressenti l'abandon de Frank, comme elle l'avait fait d'abord, comme elle le ressentait encore. Une nature moins forte aurait trouvé refuge dans l'indignation et consolation dans les larmes. L'énergique passion de Magdalene se cramponnait, elle, aux derniers débris de sa chimère naufragée, et ne les lâchait, après une résistance inouïe, que domptée par une volonté supérieure. Tout ce que pouvait sur elle son orgueil natif, son équité révoltée, c'était de lui faire regarder comme honteuses les pensées que lui suggérait encore, survivant à tout, un dévouement trop méconnu. Sentiment perverti qui cherchait aux cruels adieux de Frank toute autre cause que la bassesse innée de l'homme qui les avait tracés. On n'a pas encore vu de femme qui ait pu bannir de son cœur un amour sincère parce que l'objet de cet amour était indigne d'elle. Tout ce qu'on peut, c'est de lutter en secret contre cet amour, et alors, si elle est faible, la femme succombe ou meurt. Si elle est forte, elle arrive à son but par une série de déchirements intérieurs qui sont, de tous les remèdes moraux applicables à une nature de femme, les plus dangereux et les plus désespérés. Le changement qu'elle subit en pareil cas est définitif et sa vie entière s'en ressent. Or, l'énergie de Magdalene lui avait permis de pousser à bout le combat inexorable et l'issue de ce combat l'avait laissé ce qu'elle était maintenant. Après être restée environ 1 heure assise près de la croisée, ses yeux errant machinalement sur le paysage, son âme abstraite de toute impression et n'ayant conscience d'aucune pensée, elle secoua l'étrange stupeur qui la dominait tout éveillée, et se leva pour s'apprêter à la sérieuse rencontre qui allait avoir lieu. Des crochets de sa garde-robe, elle détacha d'abord 2 robes de mousseline en fin tissu, aux couleurs brillantes, qui l'année précédente constituaient à Combraven sa toilette de printemps, et que leur peu de valeur l'avait empêchée de vendre à l'époque où elle s'était défaite de ses autres vêtements de luxe. Les ayant étalés sur le lit à côté l'une de l'autre, elle examina de nouveau sa garde-robe. Il ne restait plus qu'une autre toilette d'été, la modeste robe d'alpaga qu'elle portait pendant sa mémorable entrevue avec Noel Vanstone et Mrs. LeCount. Celle-ci, elle ne songea même pas à la mettre, non par crainte que la femme de charge pût reconnaître une étoffe si commune et d'un dessin si peu remarquable, mais parce qu'elle ne la trouvait ni d'une nuance assez gaie, ni assez élégante pour l'effet qu'elle voulait produire. Qu'elle eût pris dans les tiroirs de la garde-robe une écharpe de mousseline blanche toute unie, une paire de gants gris perle, et un chapeau de jardin en paille d'Italie, elle referma soigneusement le cabinet et remit la clé dans sa poche. Au lieu de procéder aussitôt à sa toilette, elle contemplait paresseusement les deux robes de mousseline, insoucieuse du choix à faire et néanmoins hésitant entre les deux. « Qu'importe, » se dit-elle enfin avec un rire sardonique. « À mes propres yeux, quoi que je mette, je n'en vaudrais pas davantage. » Puis elle frémit, comme si l'écho de son propre rire l'eût effrayée, et mit brusquement la main sur la robe la plus proche. Cette robe était bleue et blanche, du bleu qui allait le mieux à son teint de blonde. Elle la revêtit rapidement, sans même se rapprocher de sa glace. Pour la première fois de sa vie, elle sembla reculer devant sa propre image. Si ce n'est au moment où elle arrangea ses cheveux sous son chapeau de jardin, et ceci fait, elle cessa immédiatement de se regarder. Ce fut en tournant le dos à la table de toilette qu'elle disposa son écharpe sur ses épaules et mit à loisir ses gants étroits. « Me faut-il un peu de rouge ?» se demanda-t-elle, devinant d'instinct qu'elle pâlissait. « Il m'en reste encore et mon visage n'en sera pas plus menteur qu'il ne l'est. » Elle tourna la tête vers le miroir, mais le quittant des yeux presque aussitôt. « Non, » dit-elle, « je vais affronter les regards de Miss LeCount en même temps que ceux de son maître. Le phare n'est pas de saison. » Après avoir consulté sa montre, elle descendit. 10 minutes plus tard, 2 heures allaient sonner. Le capitaine Reig l'attendait au salon. Il était sous les armes et digne de tout respect dans son paletot léger, sa cravate empesée, son chapeau gris à haute forme. Un gilet nankin, un pantalon gris et des guêtres assorties complétaient cette mise rustique, irréprochable de propreté. Son col de chemise était plus haut que jamais, et il tenait à la main un tabouret pliant, tout battant neuf. Aucun négociant des trois royaumes, le voyant à cette minute, n'aurait refusé de lui faire crédit. « Charmante, » dit le capitaine, examinant la toilette de Magdalene avec un soin paternel, au moment où elle entra dans le salon. « Cette toilette est d'une fraîcheur. Vous êtes, ma chère, un peu trop pâle, et beaucoup trop sévère. À cela près, une véritable perfection. Voyons comment vous irait un sourire. » « Quand le temps de sourire sera venu, » dit Magdalene avec amertume, « fiez-vous à mon éducation dramatique pour tous les jeux de physionomie que réclamera l'occasion. Où est Mrs. Reig ?»« Mrs. Reig a fini par apprendre sa leçon, » répondit le capitaine, « et je l'en ai récompensé en lui permettant de travailler dans sa chambre. J'approuve la fantaisie qu'elle a maintenant de se faire couturière, parce que toute son attention va se concentrer là-dessus. » Et que rien ne la retiendra mieux à la maison. Nous n'avons point à craindre que la robe orientale soit achevée de sitôt, car il n'est pas d'erreur possible qu'elle ne commette en la fabriquant. Elle couvra sa robe, passez-moi l'expression, comme une poule couve un œuf clair. Ce nouveau caprice me soulage d'un grand poids, je vous assure. Rien ne pouvait venir plus à propos dans les circonstances actuelles. Il se rapprocha de la fenêtre, jeta un regard au dehors, et fit signe à Magdalene de venir le rejoindre. « Les voici, » dit-il en lui montrant le champ de parade. Au moment où elle y jeta les yeux, Mr. Noel Vanstone se promenait lentement, habillé de nankin, des pieds à la tête, de par une mode déjà surannée. Selon toute apparence, c'était l'un de ces jours où sa santé lui donnait le moins de satisfaction. Il s'appuyait au bras de Mrs. LeCount, s'abritant du soleil sous une ombrelle légère dont elle avait soin de protéger sa tête. La femme de charge, parfaitement bien mise comme toujours, robe d'un gris modeste, mantille noire, chapeau de paille sans prétention, voile bleu tout neuf, escortait son maître invalide avec les plus délicates attentions, tantôt lui faisant respectueusement remarquer tout ce qui, du paysage marin, pouvait lui sembler intéressant, tantôt payant d'un gracieux signe de tête la courtoisie des passants inconnus qui se rangeaient pour faire place aux pauvres malades. Elle produisait une visible sensation parmi les oisives épars sur la grève. Ils la contemplaient avec une sympathie unanime, échangeant entre eux les marques d'une approbation silencieuse qui disait tout aussi éloquemment que des paroles eussent pu le faire, véritable trésor de famille, femme rare et supérieure s'il en fut. Les yeux mis partis du capitaine Reig suivaient de loin Mrs. LeCount avec une assiduité, une attention méfiante. « Il y aura là du fil à retordre, » murmurait-il à l'oreille de Magdalène, « et faire congéder cette femme sera plus difficile que vous ne pensez. »« Patience, » dit Magdalène avec calme, « patience, nous verrons bien. » Elle se dirigea vers la porte. Le capitaine la suivait sans ajouter la moindre observation. « J'attendrai que vous soyez mariés, » pensait-il à part lui, « mais pas une minute de plus, telles offres que vous puissiez faire. » Sur le seuil de la maison, Magdalène lui adressa de nouveau la parole. « Allons d'abord de ce côté, » disait-elle en montrant le midi. « Nous les rencontrerons ensuite, en revenant sur nos pas. » Le capitaine Raig approuva la combinaison et suivit Magdalène jusqu'au guichet du jardin. Comme elle l'ouvrait pour franchir le seuil, elle ne put s'empêcher de remarquer une dame, escortée d'une bonne d'enfant et de deux petits garçons, le tout formant un groupe immobile sur la route où elle allait mettre le pied. Cette dame, à la vue de Magdalène, ne put retenir ni un mouvement assez vif, ni un regard curieux, ni un sourire de satisfaction. La sœur de Mr. Kirk n'y avait pas tenu. Elle avait fait le voyage d'Alborough tout exprès pour tâcher de voir Miss Bygrave. Dans la forme de son visage, dans l'expression de ses yeux noirs, Magdalène retrouva quelque chose qui lui remit en mémoire ce marin malencontreux dont l'admiration trop peu contenue l'avait blessé la veille au soir. Elle répondit au regard scrutateur de l'inconnu par un froncement de sourcils à l'expression duquel on ne pouvait se méprendre. La dame rougit, et prenant à son tour une physionomie des moins gracieuses, passa son chemin tout à loisir. Que de hardiesse, que de mauvais sentiments chez cette jeune fille, pensait la sœur de Mr. Kirk. À quoi pensait Robert qui la trouvait si fort à son goût? Je suis presque enchanté qu'il soit parti. J'espère et je compte bien qu'il ne reverra plus Miss Bygrave. Comme on est mal élevé dans ce pays, disait de son côté Magdalène au capitaine Raig. Cette personne qui vient de passer m'a ménagé encore moins que l'homme d'hier. Elle lui ressemble au surplus. Je voudrais savoir qui elle est. Nous allons nous en assurer immédiatement, dit le capitaine. On ne saurait se trop garer des personnes étrangères. Sur quoi, sans plus tarder, il aborda ses bons amis les bateliers qui se trouvaient à quelques pas sur la plage. Magdalène ne perdit pas un mot de ses questions et de leurs réponses. « Comment allez-vous ce matin ? » disait le capitaine Raig, familier et plaisant comme d'habitude. « Et où en est le vent ? Nord-ouest, n'est-il pas vrai ? Très bien. Et cette dame, qui est-elle ? C'est Mrs. Strickland, monsieur. » « Ah oui, je sais. La femme du ministre est la sœur du capitaine. Et le capitaine, où est-il aujourd'hui ?»« Sur la route de Londres, monsieur, à ce que je pense. D'ici à 8 jours, son bâtiment fait voile pour la Chine. »« La Chine. » Quand ce simple mot retentit à son oreille, une de ces angoisses qui la torturait jadis vint encore étreindre le cœur de Magdalène. Bien qu'il lui fût complètement étranger, le nom seul du capitaine de commerce lui devint désormais odieux. Il avait troublé ses rêves de la dernière nuit, et maintenant qu'elle appliquait toute l'énergie de sa volonté à effacer en elle jusqu'au dernier souvenir de son existence passée, il se trouvait indirectement la cause que Franck lui revenait à l'esprit. « Allons donc, » dit-elle avec une sorte de colère à son compagnon, « pourquoi nous inquiéter de cet homme ou de son vaisseau? Venez, venez vite. » « Vous avez raison, » dit le capitaine Raig. À moins de rencontrer quelque ami de la famille Bygrave, nous n'avons à nous inquiéter de personne. » Ils marchèrent dans la direction du sud pendant une dizaine de minutes, et revenant ensuite sur leurs pas, cherchèrent à se trouver sur le chemin de Noel Vanstone et de Mrs. LeCount.